La presse sud-coréenne YTN fait savoir que les destroyers Aegis de la flotte américaine du Pacifique et les destroyers et hélicoptères anti-sous-marins de la marine sud-coréenne sont lancés depuis le 19 mai en manœuvre navale conjointe. L'armée sud-coréenne tire des balles et bombes dans les eaux maritimes sud-ouest de la péninsule coréenne sous prétexte de faire face à la provocation imaginaire d'Onuseki. Ces manœuvres continuent jusqu'au 24 courant. Et d'après l'agence de presse sud-coréenne Lyonam News, le premier corps d'armée sud-coréen envisage d'effectuer les exercices de déplacement des équipements de combat et d'installation des obstacles du 23 au 27 mai dans la zone de la première ligne du front, notamment à Goyang et à Pazu de la province du Gyeonggi. Les autorités militaires sud-coréennes ont déclaré de livrer le mois prochain encore les exercices militaires conjoints à Hawaï avec les États-Unis et le Japon.